Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Des gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Manalus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel apéro original. L'apéro 4.1. Et cette fois, c'est moi, Asto, qui vous présente cette partie pour changer. Ouais, parce qu'on en avait marre que je dise voilà. À chaque fois bonjour et bienvenue dans ce. C'était pour changer un petit peu de la présentation. Et du coup, autour de la table aujourd'hui, toujours à peu près les mêmes. Mais. Donc, on va quand même les présenter. Alors, à ma gauche. Très important. Le fournisseur officiel de news du podcast. Le détenteur du slip français. Mais pas le dernier. Et pas le premier non plus. Hein. Ouais. Et le présentateur du podcast 15 bras, 15 jambes. Oui. Gandalf 81, membre de la Mafia 81. Ouais. Mais ça, c'est pas trop bien. De l'autre côté de la table, le présentateur de Quoi qu'il se passe. Oui. Voilà, membre de la Mafia Fresh Pods. Ouais. Mais chut, on va encore me tomber dessus comme quoi on dit Mafia Fresh Pods quand même. Ah merde. Celui qui nous sert d'hébergeur, de monteur, de fournisseur de matos, d'esclave, pour ce podcast même, à savoir Azertov. Coucou, c'est moi. Et pour une fois, on n'est pas que trois autour de la table. Attention. Exceptionnel. Ah, pour le quatrième, on est quatrième. On est quatrième. Mais pour le premier, on n'était pas un. Truc qui cloche. Qui sera les cinquièmes invités la prochaine fois? Et donc, c'est pour la première fois pour lui son premier podcast. Mais on l'a déjà entendu dans quelques épisodes de Des Projets. Des Projets Lesquels? Time Stories, les jeux de rôle. Et peut-être un 60 secondes, mais c'était pas les projets, c'était un 60 secondes. Il s'agit de We Wish, on va l'appeler We Wish. Voilà, We Wish, voilà. C'est très bien. Okay. Ça me va. Donc, au cours de l'émission, comme d'habitude, des quiz, des petits dossiers et de la musique. Mais pour commencer, notre super rubrique de décapsulage de bière, le C'est bien houblon. Alors, à qui je vais donner le décapsuleur de la destinée? Pas Oui Wish, puisque c'est sa première fois. Pas déconner. Tiens. Allez. Bon. Ouvre le bal. Je le prends. J'ouvre le bal. Alors, pour ouvrir ce bal, je vais commencer par... une abbaye que j'aime bien, donc la trappe avec la trappiste, mais la trappiste, quadruple. Donc c'est belge, oui c'est belge, c'est normal. Et c'est 10 degrés. Ça, et 33, on commence bien. 33 centilitres, voilà. Donc j'avais déjà pu goûter les autres, vous pouvez réécouter les anciens podcasts pour avoir mon avis, même si on donne pas trop notre avis, c'est pas grave. En général, on dit c'est bon. Oui, on dit c'est bon. Mais réécouter. Mais réécouter quand même, attention. Ah non, mon dieu. Il y a trop de verre devant moi, j'ai du mal à... Pousse Grégory. Je pousse le petit Grégory. Dans la rivière, bien évidemment, je le pousse. Alors, pour le prochain podcast, on va lancer un Patreon pour acheter un vrai décapsuleur. Il est bien celui-là, arrêtez. Et là, je serre. Et, ouais. Et tu vas mousser, et voilà. Ah, je vois rien. Tu sais pas faire comme aux barrières. Bref, je continuerai après parce que il y a approximativement Bon, il y a plus de mousse. C'est du 50-50. C'est un demi. C'est un demi. Un demi mousse. Je prends le 50-50. Allez, donc je passe le... Le relais. Je passe le relais. Oh, je passe à Wibich. Allez, c'est parti. Oh, l'enfoiré. Attends, au moins... Donc moi, je suis pour l'instant sur une bière belge, donc à 10,5 aussi. Bière belge forte avec refermentation, aux arômes alcoolisés. Voilà, c'est écrit dessus, mais j'invente rien. C'est bien, c'est comme nous, tu lis ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Mais après, les avoir achetés, parce qu'il faut pas déconner. Non. Et c'est pas. Faut pas de la bière sur le sauciflard. Hein. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Du sauciflard à 10 degrés. Déjà qu'il est bien gras. Le saucisson à Véronèse. La perche à Véronèse. Et ça, c'est du pas plus que le bord. On salte à là. Et puis du coup, il reste plus que Lazertoff. Ah bah non, il reste aussi. Ah non, il reste aussi Asto. C'est lui qui nous inaugurait. Enfin, il nous inaugurait. Alors moi, c'est une West Coast IPA. Ouais, double Indian Pale Ale. Donc c'est une irlandaise. Oh, de mémoire. Donc, pour une fois, on change de pays. Ouais. 8,1. Bah, c'était la Saint-Patrick il n'y a pas longtemps. Donc, c'est du coup, Si c'est pas les autres bières. Oh. Quel doigté. T'as trop bon. Et du coup, à moi de clôturer le bal avec une Howling Gale, une Irish Pale Ale, Irish Pale Ale à 8 degrés. Qu'elle est dispale, ça veut dire qu'après que tu l'as bu, t'es pas bien. Bah, les Irlandais, ils sont pâles. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tu sais que là-bas, t'es main devant le visage. Ah. Putain, elle rentre, je pensais pas qu'elle allait rentrer. Je parle de la bière dans le verre. Hein. Sexto. Du coup, au final, je sais plus si j'ai dit comment elle s'appelait la bière. Oui, tu l'as dit. Je l'ai dit. Moi, alors, je sais le cas où, c'était une pirate. Voilà. Dans le doute. Reboot. Ouais. Allez, on peut goûter ça, ouais. Les amigos. Les amibo. Pipo. Oui, Pipo. On m'aurait menti. Oh, oh, oh, oh. Elle est bien. Ouh, elle est bien bonne. Enfin que je vais être prêt découpé. Hein. On sent le. Ouais. C'est fake, mais on sent le. Il y a de l'amertume, mais pas que pareil. Il y en a. Y en a. Ah bah la mienne aussi, mais. Elle a un bon petit goût de Jersey. De Reviergui. C'est un petit peu une brune. Elle est pas super blonde. Mon Dieu, les Transformers. Mmh. Elle est foncée, ouais. Mais elles sont toutes foncées pour des blondes, je trouve. Ouais. Bon, moi, il n'y a que des blondes. Bon, et eh ben, il est temps de penser au premier dossier. Pas de radio. Ah oui. Je rappelle. Mais oui. Oh là là. C'est pourtant la deuxième ligne du conducteur, merde. Ah ouais, non, mais regarde pas le conducteur en fait. Pour le prochain, va être dans la merde. Donc, on vous rappelle que notre podcast est diffusé tous les vendredis soirs sur Pod Radio, sur le canal Beta à 18h30. Ouais, c'est gros Beta. Si ça n'a pas changé, vu qu'ils changent les grilles à peu près tous les mois, vu qu'il y a des nouveaux, mais normalement, c'est ça. Jusqu'à présent, c'était le vendredi soir à 18h30. Donc, maintenant, il est vraiment temps de penser au premier dossier de cette émission avec le dossier d'Azertoff. Alors, moi, je vais vous parler de la petite maison d'édition Macaca. Tu ne mets pas de jingle ? Ah si, ou quoi ? Oh, putain, mais... Oh, bah, franchement, mais non, mais c'est la bière, ça y est. T'as deux verres devant toi, tu sais plus quoi faire. Hein. Ah. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts ? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Ça tombe bien parce qu'on reste dans le thème de la BD. Ah. Donc du coup, je vais vous parler de la maison d'édition Macaca. Donc c'est une maison d'édition de BD indépendante créée par Karine Laca et Chucky Medina en 2007. Donc en fait, l'histoire de cette maison d'édition remonte aux années 2006, 2005-2006 avec l'émergence des blogs BD en fait. Donc de, tout le monde sait de quoi ce que c'est que les blogs BD. Oui. C'est un blog avec des BD. Ouais. Oui, donc voilà, c'est les blogs avec des BD où les auteurs de BD postaient une image ou une planche par jour ou des strips. Ou des strips. Oh, des strips. Donc voilà, donc ça commence en 2006. Mais bon, par contre, c'est les blogueurs BD ont un peu de mal à se faire, avoir du public qui vienne. Sauf quelques-uns, comme, je sais pas, Boulet, on va dire, random que, pif, hein. Déjà que les auteurs... Davy aussi, non ? Davy Moyer. Et ouais. Davy aussi, oui. Donc du coup, ils ont beaucoup de mal à se faire connaître. Il n'y a pas vraiment de plateforme pour recenser un petit peu tous les blogs BD. Donc du coup, c'est comme ça qu'est créé les éditions Macaca, avec d'abord le premier site 30 jours de BD, où tous les jours, en fait, tu avais une planche de BD issue d'un blog BD. Donc on pouvait avoir du Navo, du plein de monde, mais j'en ai déjà parlé dans un éclaireur, je sais plus combien. Donc, mais tu nous vends le truc, Rechercher, oui. Vous direz voir. Donc ensuite, c'est ça. Donc en 2007, il y a le site 30 jours de BD. Puis ensuite, en 2007, ça va être en septembre 2007, qui est la maison d'édition Macaca est créée, avec la première BD qui est Conte à dormir debout, de Ced. Donc c'est une revisite du chapeauté, du petit chaperon rouge, etc. Ah oui, je vais vous dire aussi, ce dossier-là est plus axé sur les types de... les collections qu'ils peuvent avoir, okay. Avec 2-3 BD à chaque fois dans cette collection. Donc du coup, en 2009... Donc la collection Bouille de Bisous, donc destinée plutôt à un public de 4 ans et plus. Donc il y a 3 BD qui sont sortis en avril. Donc il y a L'Ogre qui mangeait les petits-enfants, de Joanne Troïnowski, pardon si j'écorche le nom. Bouille de Citrouille, Poil de Citrouille, pas en vadrouille, de Chunky et Yann Derrien. Édouard le Renardo, de Chenki et Liena sur du camp. Donc là, c'est vraiment après axé pour les petits-enfants. En sachant que L'Ogre qui mangeait des petits-enfants, en fait, ça a été ressorti il n'y a pas longtemps sous un album qui s'appelle Rouge, la princesse punk, où c'était plein de petites histoires qui étaient indépendantes, qui ont été remis et redessinées pour faire une histoire sur le long terme en récupérant... toutes les BD. En 2010, donc la collection Sérieusement Drôle, qui est créée avec une première BD qui s'appelle Définition, de Raoul Paoli. Donc il fait surtout, là ça va être des dessins vectoriels, un peu comme Zombilennium de Arthur de Pince. Oui. Donc tout fait à l'ordinateur, vite fait et tout bien. Donc cette collection regroupe surtout des BD à destination des écoliers, car elle propose plutôt des thèmes ludiques et pédagogiques correspondant au programme scolaire des enfants de 7 ans. Donc c'est vraiment, après, c'est vraiment bien classé au niveau de leur collection, je trouve. Dans la même année, en fait, il sort, soit dit en passant, le journal d'un étudiant, de Vincent Côte. Donc là, c'est vraiment le blog BD, mais au format papier. Donc j'ai un exemple, je ne vais pas récupérer. Non. Un exemple de format, en fait, ça va être du souple, avec une couverture un petit peu cartonnée. Souffle, et voilà, je sais plus combien de pages, donc c'est la première sous ce format là. Ensuite, voilà, c'est plus sous la forme d'un journal intime de cette collection là. Et ensuite en 2012, donc il y a une nouvelle collection qui est créée, donc c'est une grosse collection, parce que c'est les BD dont vous êtes le héros. Donc il reprend vraiment le type des livres ou des romans dont vous êtes le héros, sauf que du coup, c'est en format BD. Donc j'ai le premier exemple qui est ici, qui s'appelle Chevalier, donc qui est pareil en couverture souple. C'est de la BD ça ? C'est une BD dont vous êtes le héros. D'accord. Donc t'as une première partie où il te raconte l'histoire, vraiment on va dire le générique, l'intro, et ensuite tu pars à l'aventure. Bien sûr, il est dédicacé. Hein. Il n'est pas tel un survivant. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Non, pas celui-là. Donc du coup, oui, c'est donc cette collection, donc c'est ça reprend les BD dont vous êtes le héros. Où chaque case, on vous explique un petit peu le principe pour ceux qui connaissent pas, c'est que chaque case, on va avoir des éléments pour aller vers une autre case et ainsi de suite. Mais la case n'est pas la case à côté, c'est les cases qui sont 6, 7 pages plus loin ou à la fin du bouquin. Soit tu vas au marché qui est case 84, soit tu vas à la tour de garde qui est case numéro 4. Voilà, c'est ça. Et après, tu as des défis, tu as une feuille de personnage, tu as plein de choses. Après, je vais vous faire voir d'autres types de BD dont vous êtes le héros. Donc la première BD qui est sortie, donc, c'est Chevalier, donc, c'est celle que vous avez entre les mains. Il y a ce jour, j'ai pas regardé, est-ce que tu peux aller derrière et prendre le catalogue qui est juste là normalement? Tu peux voir, c'est violet. C'est très sonore. Ouais. parce que du coup là, il y a toute la liste qui est dessus, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le prendre. Donc du coup, ouais, il y a 4 ou 5, merci, c'est Chevalier, il y en a 4 ou 5 qui sont sortis. Oui, il y en a 4 qui sont sortis. Et donc voilà, donc c'est les aventures qui se suivent, en fait. D'accord. Enfin, qui se suivent, c'est à chaque fois, c'est les nouveaux, soit tu reprends le personnage d'avant, après je crois que j'ai le deuxième, mais j'ai pas les suivants. Donc, tu relances sa sauvegarde ou... Bah, je sais pas en fait, faut voir, mais je sais qu'après il y a eu Pirate dans le même style où tu reprends vraiment la suite en fait. Donc voilà, donc après c'est dont vous êtes le héros, donc jouabilité à fond comme vous voulez. À fond les ballons. À fond les ballons. Donc voilà, après c'est vraiment les grands axes, donc on va voir du. De la format classique de BD, donc par exemple format, donc qui est pour définition, donc les BD on va dire classiques. Ensuite on va avoir le format petit, couverture souple pour les journaux, pour les journaux du coup. Ouais, ils sont un peu plus épais dessus. Ouais, ils sont lui il est un peu plus épais, donc là c'est celui que je montre, donc c'est un an sans internet, journal d'une expérience par CED. Donc c'est pareil, donc là c'est ça reste du CED bloc BD, donc c'est assez joli. On raconte un petit peu de tout et de n'importe quoi. Donc après ouais, on peut au niveau vraiment style, on va avoir pour tous les âges. Parce qu'on peut avoir vraiment pour les tout petits, donc ça va être rouge. Je sais pas si tu l'as passé déjà dans le catalogue, mais tu. À un moment t'as. Donc tu dois avoir rouge à un moment dans les propositions, voilà. Rouge, yes. Donc ça en fait, ça recoupe les l'ogre qui voulait pas manger, qui voulait manger les enfants, les bandits et le carnaval, je sais plus quoi. Donc voilà, donc on a du dessin vectoriel, on a du dessin, on va dire, crayon de couleur et peinture. Donc c'est le cirque, le journal d'un dompteur de chaises de Liana Surducamp. Et c'est lui, j'ai vraiment accroché au début en fait, ça me disait rien, mais je l'ai vu en dédicace au festival BD de Colomiers à côté de Toulouse. Je l'ai vu faire une dédicace et franchement ensuite je me suis pris le livre et quand tu vas feuilleter, tu vois que c'est un petit peu joli quand même. C'est un mélange de crayons de couleur. Ah oui. Donc j'ai aussi des cartes postales. Ah, c'est super beau. Wow. Donc ça mélange vraiment les types, en tout cas pour cet auteur là. Après on va retrouver pour un peu plus adulte, on va retrouver du La Vie de Norman. Donc il y a une très bonne BD aussi dont Randall a fait un numéro. C'est le truc qui a le marché chez eux de toute façon. Donc du coup, ouais, La Vie de Norman, donc ça raconte l'histoire d'un petit enfant dont la passion est d'assassiner les gens. Ah, mais c'est très joyeux tout ça. C'est très joyeux. Je vais pas vous faire la critique parce que Randall l'a fait dans un Quoi qu'il se passe, donc c'est le numéro 19 bis. Donc vous avez toutes les informations, il fait une présentation assez rigolote. Donc voilà, donc après je vais vous faire mes petits coups de cœur. Donc du coup, c'est vraiment... La Vie de Norman, vraiment coup de cœur de cette maison d'édition. Après, il y a eu Mystery, En fait, donc, qui est l'histoire d'un super-héros de comics. Mais dans les années 50, donc c'est limite, on va dire, en gros Superman, sauf qu'il ne s'est pas volé. Et voilà, donc il doit battre des méchants, le truc classique de super-héros, sauf que c'est un petit peu plus petit que, le format BD. Donc ça va être du format plutôt comics, couverture rigide. Ouais, donc, sur chez Glénat, chez... Ouais. Et voilà. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'évolution des BD dont vous êtes le héros. Donc on a vu là des exemples de couverture souple, mais du coup c'était pour la rejouabilité, ça devait bien abîmer les bouquins. Donc là ils ont fait en couverture dure. Donc là je suis en train de montrer Sherlock Holmes et Moriarty associés, qui est sorti en début d'année il me semble, Loup-garou et Zombie. Donc il y a vraiment au niveau des univers, des BD dont vous êtes le héros, il y a vraiment de tout. Il y a de l'enquête pure et dure dans Sherlock Holmes. Après, il y a plutôt de l'aventure dans tout le reste. Mais ça brasse vraiment les univers un petit peu différents. Après aussi, oui, dans l'univers de Norman, donc de Stan Silas, il a fait un petit peu un spin-off centré sur Sylvain. Donc c'était l'héroïne, le personnage un petit peu comment expliquer ça, c'est la mauvaise élève entre guillemets, celle qui est pauvre. C'est vraiment le cliché du pauvre qui va pas bien, qui est toute seule, qui abandonne. De toute façon dans la vie normale ils sont tous les gamins, donc ils sont dans une école maternelle puisqu'ils doivent avoir 8 ans. Primaire. Oui, primaire, oui. Bon, c'est pareil. Et moi, ça fait longtemps que j'y suis plus. Donc, du coup, tous les enfants ont quelque chose. Ah. Entre Norman qui est tueur. C'est tous des cas. Ouais, c'est tous des cas un petit peu bien rigolo. Donc, donc c'est vraiment un tout petit dossier. Après, je sais pas si vous avez d'autres questions dessus ou. Ils n'allaient pas nous sortir autant de trucs, tu vois. De quoi ? Je les ai pas vus sortir autant de trucs, toi. Bah ouais, mais en fait, ils sont quand même. Ils sortent deux. Non, je vais peut-être dire une connerie, mais 3 ou 4 BD par an. Mais différentes, en fait. Ouais, et là, je sais qu'ils en ont prévu. Ils ont plein de BD dont vous êtes le héros. De BD, oui. Dont vous êtes le héros qui vont sortir. Par exemple, toi, t'en as pour décembre 2016. Ouais. Donc, t'as Hold Up. Ouais. Qui était au début paru en BD classique. Et là, ils vont faire une version dont vous êtes le héros. Il y a après, je te fais voir, t'en as quand même qui sont prévus. Tu dois en avoir peut-être deux par an, BD dont vous êtes le héros qui sortent. Ouais. Et après, t'as des BD, vas-y, classiques, Mystery, Hold Up. Après, dedans, tu dois avoir Cats. Donc, Cats aussi, journal d'un chat qui est pré-publié dans le journal Spirou. Oh, bien. Donc, ça. D'ailleurs, dans le premier tome, il y a l'étiquette. Pas que je le retrouve. Ah, il y avait le petit bandeau là-dedans. Je l'ai pas pris. Mais il y a le petit bandeau vu dans Spirou. Donc, ça peut amener des lecteurs potentiels dessus. Donc, après, on peut. Bien sûr, les auteurs ne sont pas fixes à cette maison d'édition. Donc, on peut retrouver après Stan Silas qui a fait Bigouden. Un volume en 3 tomes chez Edouard Proust, oui. Donc chez EP, oui. Qui est très très très bien. Jetez-vous ici, c'est une bonne série en 3 tomes, plein de références, plein de gags du Stan Silas, quoi. Oui. On a Ced qui a fait Wikipanda, Le Passeur d'âme, et plein de choses chez Makaka, qui fait aussi AST chez Sarbacane. Ok. Ou chez Bambou, je sais plus, c'est... Sarbacane, non ? Il me semble que c'est Sarbacane. Donc voilà, donc ils sont quand même assez en dehors de Makaka, mais ils font toujours aussi des choses dans cette maison d'édition, et ils sont sympas pour les avoir croisés quasiment chaque année au Festival Colomier. Pour les dédicaces, ils sont toujours, toujours présents. Et il y a un auteur de BD aussi, on ne le sait pas trop, mais les auteurs de BD font aussi souvent des illustrations de jeux. De jeux de plateau, et dans ce cas-là, il y a Gorobet qui fait plein de dessins de jeux de société, Je sais que j'avais vu passer sur un jeu il y a quelques temps. Oh, c'est vachement bien. Et du coup, bah, tu vois qu'ils ne sont pas non plus juste limités au dessin vraiment BD. Donc du coup, je vais vous faire un petit rappel sur le site. Donc le site, c'est makaka-edition.com. Et là, vous avez toutes les informations, les précommandes, tout le catalogue. Les précommandes aussi, non ? Ouais, les précommandes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de port sont gratuits, si je dis pas de conneries. Et que souvent, on a des... C'est franco de port. C'est franco de port. Et qu'on a souvent des petits goodies avec. Oh, donc, on a forcément, ils nous renvoient le catalogue de l'année. Et des fois, tu as les cartes postales sur les BD dont vous êtes le héros. Il y a des petites cartes avec. Oui, j'ai vu sur celle de Sherlock Holmes. Voilà. La carte Irène Adler. Voilà. Et je sais que sur une autre version de Sherlock Holmes, sur le stand de dédicace, en fait, ils donnaient une carte exclusive qui te permettait de trouver des indices en plus. Et ces cartes sont utilisables après dans le livre ? Et après, elles sont utilisables dans le livre. Ouais. Ah, c'est cool ça. Je sais que pour Pirate ou Chevalier, j'avais deux cartes. Et en fait, côté face, ça représentait un dessin, mais c'est façon Pulse. Et de l'autre côté, c'était vraiment une carte comme une carte au trésor. D'accord. Donc peut-être que ça doit amener après des indices. Je sais que ça va être pour Loup-Garou. Je crois que c'est dans Loup-Garou, on joue à la fois un homme, un humain et un loup-garou. C'est le personnage s'est fait mort, donc du coup il peut se transformer. Donc je sais qu'on peut aussi récupérer les goodies, donc les dessins, les roues, les fiches de personnages sur le site pour éviter d'abîmer le livre pour ceux qui n'aiment pas abîmer les livres. Donc voilà. Donc, il faut pas abîmer le livre. Ouais. Faut pas cramer les pages. C'est quand même dommage. Ouais. Bah et puis ça coûte une certaine somme, pour pas dire cher, mais c'est voilà. Qui augmente en janvier généralement. Ouais. C'est bizarre en même temps qu'Angoulême. Bon, enfin bref. Voilà. Plus de polémique. Chut, pas de papier. Ouais, ça. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, j'espère que dépenser des sous. Ouais, voilà. J'espère que ça vous a donné. C'est raisonnable. J'espère que ça vous a donné envie de. Abonné. Ouais. Est-ce qu'ils prennent les tickets à Ah ça je sais pas. C'est une parce étude. Parce que dont vous êtes le héros, ça peut se. Ouais, bah après je crois que tu vas faire voir, mais il y a plein de collections. Là, j'en ai pris 2-3, mais t'as vraiment après sur les pirates. Sur, ouais, les pirates. C'est... c'est après, ce qui est prévu aussi, c'est Town. La cité dont vous êtes le héros en fait, et c'est toi qui construis ta ville. Waouh, c'est Sim City, the livre, the book. Je sais pas, je l'ai déjà présenté. Que le dernier. C'est sûr. Est-ce qu'on a besoin d'un serveur pour se connecter au livre ? Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle a ? Your Town. Ok. Okay. Donc Your Town, ça sort en octobre 2016. Vive la BD. Ouais. Et je sais que sur le site. Et sur Facebook, il montre aussi généralement des croquis de l'évolution des BD. Ok. Donc voilà, c'est tout pour moi. Drop the mic. Drop the mic. Et je peux boire. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir passer au quiz de Monsieur Gandalf. Ah, attention. Qu'est-ce qu'il nous a préparé ? J'ai peur. En général, il faut s'inquiéter. En général, il faut s'inquiéter. Ah oui, mais là, ça va être le plus tireur. Ah oui. Maman a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle. Alors, est-ce que ça va tourner autour du trou de balle ? Non. Ah, merde. À part si on est négrophile. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler. Alors, vous avez vu, il y a pas si longtemps, au mois de décembre, vous avez vu, décembre, janvier, il y a eu plein de morts qui ont ému le monde entier. Il y a eu Lemmy, qui est mort. Il y a eu... David Bowie, qui est mort. Il y a eu Rick Allman, qui est mort. Michel Delpech, qui est mort. Et les jeunes, ils ont été très... Il y a aussi J.R. Martin qui est mort, non? C'est drôle parce que c'est faux. Bah non, c'est vrai. C'est vrai. Mais pas celui qu'on pense. Le Beatles, c'est vrai. Le Beatles. Le Beatles écrivain, là. Voilà, et depuis quelques temps, il y avait des morts, mais ça, c'est souvent. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a inspiré, pour une fois. Donc, la mort t'inspire. La mort m'inspire, voilà. Pour une fois que c'est pas l'anus. Il faut de tout. Il faut de tout pour faire un mot. Donc cette fois... Je vous ai préparé. Alors, au début, j'ai une petite introduction pour préparer la chose, bah, comme toujours, petit préliminaire. Toujours préparer la chose. Prépare-nous. Et après, il y a un petit quiz rigolole. Ah. Donc, cette rubrique s'intitule « Si j'avais l'occasion, j'aimerais mieux mourir de mon vivant ». Donc d'abord, je vais vous raconter l'histoire de Pascal Sevran. Vous vous rappelez, Pascal Sevran, avant de mourir, il nous avait raconté que la détresse des pays africains, c'était à cause de la quéquette des Noirs. Ah bon ? Ça avait fait polémique à l'époque. Vous voyez, c'est vieux déjà parce que c'est 2008. Donc avant de mourir, en fait, vous voyez, Pascal Sevran, je vous lis. Une fois n'est pas coutume, en avril 2008, c'est une radio européenne qui annonce la mort de Pascal Sevran, alors malade. L'information livrée par Jean-Pierre Elkabbach, quand même, est rapidement reprise par de nombreux médias. Pourtant, une demi-heure plus tard, un communiqué officiel de la direction de France Télévisions indique « Pascal Sevran se repose en famille. Nous venons d'en avoir la confirmation d'une source très sûre. » Donc vous voyez, déjà à l'époque, on tuait les gens par... de leur vivant. Voilà, sauf que, pour rappel, ça s'est passé en avril 2008, et le 9 mai 2008... Il est mort. Il est mort. Voilà. Est-ce que cela a accéléré les choses? On ne sait pas. Malgré tout. Il est mort. Voilà. Non, c'était Pascal Sevran, vivement dimanche. Vous voyez? Donc j'ai une autre anecdote. Vivement aussi. Dimanche? Non, c'était... Ah non, pas vivement dimanche. La chanson aux chansons. La chanson aux chansons, pardon. C'est ouais, vrai. Il était chiant. Il a engueulé tout le monde. Je ne mets pas. Donc après, si, après, je vais vous raconter aussi. Voilà, c'est pour... C'est les morts un peu faussement bidon, un peu bizarre. Il est pas mort le présentateur de Vivement Dimanche. Ah, pas encore. Pour encore. Pourtant, on aimerait. Faut, hein, parce non, mais que... il va prendre sa retraite. Ouais. Ah bon oui, c'est la mort médiatique. Oui. À partir du mois de. Bah, enfin, je pensais qu'il mourrait à la télévision. Mais... Attention, peut-être que les cobayes vont arrêter. En direct. Et ce, c'est des choux. Mais ça, c'est la télé. Ouais. Faut écouter tes vénères. Chut, chut. Ouais, mais j'écoute tes vénères. Moi, avec 3 mois de retard. Ah, ah c'est bien, au moins. À la rentrée, t'écoutes les trucs de fin de saison. Voilà. C'est bien. Non, maintenant je vais vous raconter l'histoire de C. Jérôme. Vous savez, C. Jérôme, c'était un chanteur. Ah, j'ai une dédicace. C'est... Oh et ah, mais fallait faire venir avec, merde. Moi, m'a pas dit. Mais tu l'as pas changé. Tu vas rester le même. Ah, ouais. Non, alors si vous voulez, alors je vous dis le truc. C'est, alors c'est Claude Dautel, alias C. Jérôme, était un chanteur et animateur français populaire dans les années 80. Il est décédé le 14 mars 2000, des suites d'un cancer généralisé à l'âge de 53 ans, laissant derrière lui sa femme Annette et sa fille Caroline. Selon sa famille, C. Jérôme aurait pu communiquer et transmettre ses adieux après sa mort. Le soir de son enterrement, une amie d'Annette aurait reçu un message très troublant sur son répondeur téléphonique. La voix est difficilement audible, mais elle croit reconnaître celle de Claude, décédé il y a quelques jours. On y entend... C'est Jérôme. Ouais. On y entend, oui, Jérôme, c'est moi. Métis tout. Annette, qui écoutera cette cassette, parce qu'à l'époque, on enregistrait sur cassette. Ah oui, il est répondeur. Ah, c'est un répondeur. Qui écoutera la cassette est certaine de reconnaître la voix de son défunt mari, qui reprend par ailleurs le surnom Titou, qu'il avait l'habitude d'employer pour qualifier son épouse et sa fille. Annette interprétera ce message comme étant un signe de l'au-delà, un clin d'œil. Plus tard, elle racontera avoir également vécu une expérience d'écriture automatique alors qu'elle réfléchissait à la liste des courses. C'est-à-dire qu'elle écrivait sans... Elle écrivait les patates, indépendamment de... à l'issue de son plein gré. Elle commençait avec le PQ, du beurre, du truc, puis après elle commençait à faire une chanson en fait. Ouais. Ah ouais. Et là, le stylo est parti tout seul. Reviens. Et s'est mis à écrire sur le papier, il a écrit « Ne pleure plus, je suis bien ». Elle était possédée. Possédée. Non, vous voyez, c'était déjà l'histoire de C. Jérôme. Tout ça, c'est pour écourir les couilles. Et là, il reste le plus drôle, d'après moi. Un petit article que j'ai trouvé. Donc, c'est la mort de Bernard Montiel. Mais vous me direz, Bernard Montiel n'est pas mort. Bah oui, ce que j'étais en train de me dire, mais il n'est pas mort. Et ce n'est pas un vidéogag. Ah, il reste encore un autre article, mais bon, c'est pas grave. Alors, si vous voulez, Bernard Montiel, c'était en 2010. Hein, déjà, ça commence à dater. Surtout que les gens ont déjà du mal à se rappeler ce qui se passait il y a 15 jours. En ce moment, c'était pas des attentats. Ah. Tous les 15 jours, c'est ça, non? C'est ça, tous les 15 jours, c'est ça. Alors, c'est un article blanc que j'ai un peu tronqué. Vous retrouverez les liens, d'ailleurs, dans le document que je fournirai à mon ami... Chut, pas de nom. Mon ami Azertov, pour si vous voulez vous renseigner un peu plus, ou si vous avez rien à foutre au boulot. Surtout, ne lisez pas ça. Alors, tout part d'un simple tweet, dans cette barre, qui apparaît de prime abord comme une mauvaise blague. Le 6 juin 2010, le compte Twitter anonyme @lapin-blanc poste un hommage à l'ex-animateur de TF1, RIP. Donc c'était RIP, ça voulait dire RIP Bernard Montiel. RIP in peace. La nouvelle, entre guillemets, de la mort de Bernard Montiel, postée sur un compte réputé pour sa valise, suscite immédiatement l'hilarité de la communauté Twitter française. le tweet de @Thierry Lapin Blanc devient un mème, c'est-à-dire une blague virale qui comprend en elle-même sa propre règle du jeu. Compréhensible par les initiés. Donc en gros, c'est du troll et les gens ils voient que c'est du troll, du coup ils continuent à troller derrière. En disant, oui, quand même, derrière Montiel il était bien vidéogag, tout ça. Alors, donc c'est faire croire à cette fausse mort et pirater les médias qui, par l'effet de masse de ces tweets dommages, doivent finir par mordre à l'hameçon. Bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Donc, la modification des affiches Wikipédia crédibilise un peu plus la non-information aux yeux des journalistes, sans qu'à aucun moment elle n'ait été vraie, aurait pu être vraie. Le fait qu'elle ait existé sur deux supports différents, chargés de symbolique, Twitter et ses rumeurs non vérifiées, comme la relation entre Carla Bruni et Benjamin Biolay, Wikipédia et ses fausses morts comme celle de Philippe Manœuvre. Déjà, j'avais su Philippe Manœuvre. Bonjour, c'est Philippe Manœuvre. Bon. Suffit à justifier un article. Bien évidemment, putaclic. Tout le monde le sait. Et c'était déjà 2010. Hein. Ouais, déjà, comme quoi, le côté putaclic, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Alors, les nombreux articles du genre « Bernard Montiel n'est pas mort », vont le faire mourir une seconde fois. C'est bon, voilà. Et Bernard Montiel, en donnant une visibilité à ce qui n'était qu'une blague d'initié, sur 20minutes.fr, on s'enthousiasme devant le buzz du jour. Chez Voici.fr, on dénonce un faux buzz, tout en annonçant qu'on va publier sa réaction dans quelques minutes. Le buzz en question n'est créé que par les journalistes qui pratiquent là un intéressant travail d'auto-performatisme. Donc en gros, ils font du buzz sur du buzz. Mmh. On peut pas dire ça comme ça. Quand la digue des journalistes web cède, la catastrophe s'étend aux médias dits traditionnels qui ne comprennent pas grand-chose à Internet. Oui, c'était déjà de 2010, donc ça n'a pas forcément changé. Mais se repose assez logiquement sur les articles de leurs jeunes confrères des réactions web. La fausse mort devient une vraie fausse mort. Et on aura l'honneur d'un reportage entier dans l'émission 50 minutes inside et pas 25 cm inside. Sortez FM. Explicite. Voilà, c'est explicite, voilà. Mais c'était une parodie de Action Discrète. Ah, c'est bon ça. Et eux, ils étaient liés. Où il est expliqué que les proches de Bernard Montiel se sont fait beaucoup de soucis pour lui. Donc, en fait, c'est tout ça lui-même par lui-même. Et donc, les journalistes web ont pris la remorque du LOL. S'approprièrent une mauvaise blague pour en faire leur fan de commerce. Très étonnant, parce que sur Gameblog. Quoi de plus intrigant et donc cliquable qu'une information démentie. Non, Bernard Montiel n'est pas mort. Par essence même, la non-information crée en plus une polémique. Forcément, le fait de dire ce genre de choses crée des polémiques, donc du coup, on peut faire des articles. Et c'est ce qu'ils mettent, qui suscite un deuxième article et donc un deuxième buzz. Clic. Ouais. Voilà, parce que le clic, c'est les vues, et les vues, c'est les pépettes. Voilà. La blague a cette fois pris des proportions impressionnantes parce que le personnage de Bernard Montiel a disparu des écrans, rendant l'information de sa mort quasiment métaphorique. La mort de Bernard Montiel a la qualité d'un mot même. Elle crée du lien social, dans le rire et la nostalgie qu'elle provoque. Le TF1 poubelle des années 90, je ne fais que lire. À ce sens, Bernard Montiel est un parfait exemple du chat de Schrödinger, médiatique. Bon, parce qu'on ne sait pas en fait si, comme il a disparu des écrans, on ne peut pas dire s'il est mort ou il n'est pas mort. Mais quand même, il te suscite une empathie parce que tu te rappelles quand tu le voyais, quand tu étais jeune, tu sais, tu gagnais tes 10 000. Dans vidéo gag. Voilà. C'était combien, 500 francs? 500 francs, je sais pas. C'est ça. 500 francs, moins les frais d'urgence. C'est ça. Une fois que tu t'es pris la balançoire dans la gueule. C'est drôle parce que c'est vrai. La culture populaire n'ayant placé à l'état physique entre la vie et la mort. Donc vous voyez, dans cette émission, il y a quand même un peu de réflexion. Et là, attention. C'est pas souvent. Ouais. Encore plus de réflexion avant de passer au quiz, parce que le quiz sera très débile. Là, vous verrez que la première personnalité du quiz, j'ai fait une fonction pour que ce soit trié au hasard. Et vous voyez que le hasard a bien fait les choses. Vous verrez. Donc là, maintenant, je passe à un article bien plus récent. David Bowie, Alan Rickman, pourquoi la mort des stars nous touche autant. Donc j'ai mis le lien vers l'article en entier. C'est un peu long, mais j'ai un peu réduit la volure. Alors pour le docteur, déjà il s'appelle Cosmos Adstrom. C'est quand même le nom qu'a de la classe. Ça fait voyager. Membre du Royal College of Psychiatrics. Se sentir déprimé après la disparition d'un de vos héros n'a rien de bizarre. Voilà. Je ne considère pas que c'est quelqu'un que nous ayons jamais rencontré. Alors, les médias sont très puissants. Donc à travers la musique, à travers les émotions, nous l'avons bel et bien rencontré. Et il y a des célébrités à qui nous nous identifions de manière très forte. Nous les avons jamais rencontrées physiquement, mais nous les avons rencontrées d'une autre manière. Et elles tiennent une place très importante dans notre vie. Ouais, oui, on les a vues beaucoup de fois. Voilà, on les a vues beaucoup de fois. Dans des films. À la télé. Voilà, parler à la télé. David Bowie fait des films, d'ailleurs. Donc on l'a vu, on l'a... Voilà. Non, selon toujours le docteur Cosmos Alström, les médias jouent un rôle crucial dans notre lien avec les stars. Ces derniers temps, le décès de Lemmy, Kill Mister, Alan Rickman, David Bowie, mais aussi les attentats de Paris et la montée du terrorisme en général ont transformé Internet à une sorte de pompe funèbre digitale. Bon, j'aime pas le mot digital, mais c'est un... Avec les doigts ? Numérique. Ouais. Une pompe à doigts. Le psychiatre s'explique. Attention, on tourne le papier parce qu'ici on utilise encore du papier pour enlever les. Branleur. Branleur. On pense à la planète. Le culte des célébrités est un phénomène très intense et compliqué. La réaction des médias, c'est quelque chose de très bien pensé. Elle est, à bien des égards, beaucoup plus simple que les émotions complexes qu'on ressent lors d'un décès d'un proche. Je vous laisse imaginer là-dessus. Plus simple et de toute évidence plus facile à gérer. La semaine dernière, un fan nous avait confié avoir éprouvé du mal à pleurer à la disparition de ses parents, alors qu'à la lecture de la mort de David Bowie, il explosa en sanglots. Et là, attention, il y a l'explication métaphysique derrière. Non, non, c'est normal en fait. Genre. À la mort d'un grand-père, d'une grand-mère, la douleur qui nous envahit est évidemment emplie de tristesse, mais aussi de regrets, d'émotions confuses que la disparition brutale d'une célébrité n'invoque pas, parce qu'en fait, on ne les a pas connus. On n'a pas eu le lien. On n'a pas de vécu avec eux. C'est ça, voilà. Du coup, c'est plus simple parce qu'on a, c'est ce qu'il dit, on n'a pas de regret. Parce que tu aurais pu dire, tiens, avant de partir à papy, j'aurais pu dire que je l'aime, par exemple. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Alors qu'à David Bowie, c'est un peu plus compliqué. Et oui. Voilà. Donc, la mort d'une star est soudaine et d'une simplicité libératrice. Cosmos Alström développe la relation qu'on peut avoir en tant que fan avec une célébrité qui joue un rôle de modèle et légèrement différent de la relation qu'on a avec nos parents, par exemple. La relation avec nos parents est plus complexe. La relation en tant que fan est pure, plus catégorique et plus intense. Parce que tout le monde est à sa place, en fait. On écoute sa musique, il n'écoute pas d'autres musiques, par exemple. C'est pour ça. En gros, les émotions exprimées à la mort de David Bowie pourraient être vues comme une sorte de compensation, comme là la frustration de ne pas pouvoir pleinement afficher votre peine la dernière fois que vous avez perdu quelqu'un. Parce que quand tu perds papy. Alors, je répète. En gros, les émotions exprimées à la mort de David Bowie pourraient être vues comme une sorte de compensation, comme là la frustration, de ne pas pouvoir pleinement afficher votre peine la dernière fois que vous avez perdu quelqu'un. D'accord. Parce que c'est ça, c'est quand tu perds tes parents, tu as un lien beaucoup plus direct. Voilà, direct et complexe. Physique. Voilà. Bah, je sais pas, tu parles, tu vas aller voir à midi, je sais pas. Il se passe, toi, il se passe des choses beaucoup plus. Alors que David, oui, tu vas pas le voir à midi. Ah, on peut partager le poulet avec lui, quoi. C'est ça. Oh. Et puis y a pas l'héritage. Ouais. L'héritage, toujours. Ah oui, toujours l'héritage. Faut pas l'oublier. Toujours. Donc, en gros, les émotions. Alors, je sais plus où j'en étais. Alors, vous étiez triste, mais vous deviez être fort pour votre entourage. Mm. Donc, c'est ça. Parce que c'est ça ce qui se passe souvent dans les enterrements, on dit la personne a été digne. C'est-à-dire que la personne n'a pas pleuré. Oui, alors ça. Que c'est normal aussi de pleurer à ce moment-là. Voilà. Et puis, vous ne pouviez pas vraiment en parler à qui que ce soit. Ce serait bizarre et mal poli. À la mort de David Bowie, nous avons fait tout le contraire. Nous l'avons accepté, enregistré et célébré. C'est la grande différence entre la mort de vos proches et celle de personnes connues comme Lemmy ou Bowie. Connues, mais inconnues, du coup, aussi. Oui. Voilà. Bah, connu parce que t'as quand même un petit peu, on va dire, vécu avec lui, tu l'as vu évoluer. Tu l'as vu évoluer, oui. Donc, et puis tu sais que certaines d'autres personnes ont le même, le même ressenti, oui. Voilà. Donc, toi t'as un lien avec lui, mais lui il en a aucun avec toi. Oui. C'est ça. C'est ça. Bah, tu peux parler avec des gens, j'ai fait ah putain, Lemmy il est mort, c'est triste. Et puis quelqu'un dira ah oui, je l'ai vu au Hellfest. Et tu diras ah oui, mais je l'ai vu au Hellfest aussi, par exemple. Et ça se trouve, vous étiez à côte-côte. Voilà. Ça, vous le savez pas. Et ensuite, ça fait un lien. Et pendant le pogo, comment ça se passe? Bah, tu l'as mis une droite. Pendant le Wall of Death. Mais t'es face à face. Et c'est là la simplicité et la complexité de ce genre de choses. Oui. L'autre différence, c'est que vous m'aurez plus parlé de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que ça aurait pu être seconde, parce que deuxième, ça pue, ça. Oui, seconde. Ouais, seconde. Avec votre grand-père, mais vous pourrez toujours vous construire d'autres souvenirs avec David Bowie. Tu pourrais écouter des musiques de David Bowie, tu se pourrais te créer de nouvelles émotions. Alors que pour écouter Papy, à part de l'avoir enregistré, c'est un peu compliqué. Alors que ton grand-père, il a pas fait. Ça me dirait qu'il est sorti assez vite. Il faut qu'il fasse du podcast ou. ou que tu l'aies enregistré. T'imagines, ouais. Tu crois qu'un jour nos enfants nous réécouteront et se diront, quand même, papa, qu'est-ce qu'il était con. Quelle connerie qu'il disait. Les nôtres, non. D'autres podcasteurs, je pense, ouais. Il y en a, c'est peut-être même déjà le cas. Putain, ils diront sur archive.com, ils verront marquer 2016, ils feront. Waouh, c'est vieux. Chut, pas de nom. Putain, il faisait ça en MP3, elle est con. C'est fou quand même. Rien ne vous empêche d'écouter Let's Dance dans votre voiture, encore aujourd'hui. Rien ne vous empêche d'acheter le vinyle de Diamond's Dogs à votre père. Et encore moins de regarder une pub sur YouTube. De regarder une pute, ouais. Non, c'est pas ça. Ah, ça c'est aussi pas. Une grosse pute sur YouTube. Pub, P-U-B, pub. Avec un B comme Bernard. Donc maintenant, nous allons passer au quiz. Déjà, directement. Parce qu'on a combien de... On a combien. Est-ce que j'ai mis du temps? T'as mis 10 minutes. Là, on est à 40 minutes. Putain, mais on est trop court. On est trop court. Vas-y, rajoute une rubrique, là. On va être obligé de digresser. Digressons. Graisse. Donc, on passe au quiz. Graisson. Digresson, pas graisse. Non, digresson. Digresson. Oh, ah. C'est drôle parce que le film s'est planté. Tu parles de quel film là? De quel film? Il parle du film qui n'est pas un film. Sur le cyclisme. Alors, à l'heure où ce podcast est enregistré, quand même, il faut quand même noter que Batman vs Superman, sur Rotten Tomatoes, il a des plus mauvaises notes que Daredevil. Et c'est pas la série. Pas, le seul commentaire que j'ai vu dessus, c'est un gros gâchis. Tu te chutes, je l'ai pas encore vu. Moi non plus, mais j'ai pas envie. Moi sur Twitter, j'ai surtout vu des photos avant d'aller voir le film et après voir le film. C'est avec tes affiches et tout, où tu vois des têtes bizarres. Ah, c'est pas très bon. J'ai des amis qui ont fait ça aussi, ils avaient l'air un peu déçus quand même du film. Mais ces gens n'ont pas vu les 4 fantastiques, ils sont honte de rien. Et non. Alors que nous, il y avait des bonnes idées. C'est ça. Et le film était torché à un quart d'heure. Mais comme Man of Steel en fait. C'est ça le problème. Moi j'ai pas vu non plus. Ah, bon, c'est torché à un quart d'heure. Oh, il s'est pété la gueule, il va voir Dieu, puis il pète la gueule au méchant. Mais il est déjà Dieu, c'est pas possible. C'est lui Dieu. Il va voir le Dieu. Tu nous expliques bien la politique à l'américaine. Là, je ne comprends pas. Donc, alors voilà, donc c'est un quiz. Donc je vais vous demander. Alors je vais vous donner des noms de personnalités. Donc je vous rappelle que la première risque d'être très symbolique. Ouais. Et je vais vous demander. Si elles sont mortes ou pas déjà. En même temps, je suis pas dans la merde moi. Et si possible, pas la date précise bien évidemment, mais l'année. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a eu quand même pas mal de morts. Qu'il y a des gens qui sont morts il y a longtemps. Voilà, c'est ça. Au niveau du Big Bang. Donc, je vais commencer par David Bowie. Non, Kim Jong-il. Attends, mais c'est le père ou le fils? Oui, c'est il, c'est le père. C'est le père. C'est le 1, le fils. Kim Jong-un. Ouais, il faut qu'on un décrescendo le temps. Il est mort il y a en 2013. Non, 2014, je dirais. Non, plus vieux. 2012 alors. Plus vieux. 2011. Ouais. 2011, c'est ça. Il est mort le 17 décembre 2011 à l'âge de 70 ans. Ouais, de toute façon, ça leur a pas changé grand chose là-bas. Hein. Que ce soit le père ou le fils, pour nous, c'est pareil. Ça a changé. Ah si, il y en a un qui a eu la bombe atomique. Enfin, soit disant. Il dit qu'il veut faire des essais, qu'il balance des missiles comme ça au-dessus du Japon. Il va balancer des missiles. On fait des tests. Ah, c'est beau. Excusez-nous, on fait que passer. Non, voilà. Après, Georges Moustaki. Ah, il est mort. Ah, Georges Moustaki est mort. Il est mort, il n'y a pas si longtemps, si. Je dirais 2005. Il me semble pas. Non, moi, il me semble qu'il est mort il n'y a pas si longtemps. 2005, tu dis? Ouais. Non, c'est plus récent quand même. Ouais, c'était il y a 2-3 ans, hein, je pense. Tu es un vrai. Ouais, 2013-2014. C'est ça. Il est mort le 13 mai 2013. On se rappellera de ce magnifique tweet de. Comment il s'appelait ? Pascal Nègre. Ah oui, c'est à ce moment qui a fait ce tweet. Oui, Georges Moustaki est mort, un grand artiste nous a quitté. Retrouver tous ses CD. Ouais, chez nous. Chez Universal, bravo. Merci Pascal. Il s'est fait virer depuis, c'est bizarre, je ne comprends pas. Il s'est fait virer ? Oui. Ah bon ? Ah oui. Bon, mais ça, c'est faussement récent. Ah. Non, maintenant, alors bien sûr, vous me connaissez. Je vais vous parler de. Je vais vous demander qui est mort, là, vous allez rire. Émile Louis. Quand est-ce qu'il est mort? Ah oui, Georges Moustaki est mort, il avait 79 ans. Non, Émile Louis. La mort d'Émile Louis. Ça fait 4-5 ans déjà, non? Oh, tu es dans le vrai. J'en sais rien. Attends, il est mort. Oh merde! Écrasé par un bus, c'est triste. Un bus jaune? Un bus d'enfant, ouais. Un bus d'enfant, tu l'as fait. Un bus scolaire. Le bus magique. La revanche du bus magique. Non, je sais pas. Bah, une année comme ça au hasard. 2012. 2013. Oui. Bravo. Ouais. Il est mort le 20 octobre 2013 à l'âge, je vous suis dit aussi, de 79 ans. Et il était vieux. Mais oui. Ah, mais la prison, ça conserve. Hein. Les petits enfants, ça conserve. Hein. Ah, bah oui. Les petits enfants, ils me conservent. Mais il y a un épisode de South Park comme ça qui dit que si tu violes des enfants, beaucoup, bah, tu peux devenir immortel. Ah, ah ouais. Ah, mais oui, mais c'est avec Chef qui part avec le. C'est ça, dans le club Super Aventure. Ouais, voilà. On a monté l'Himalaya tout seul. C'était pour buzzer des petits. C'est drôle parce que c'est subversif. Donc, maintenant, je vais vous parler de Richard Anthony. Ah oui, il est mort. Vous savez, c'est l'homme qui n'avait plus de coups. Richard Anthony, il est mort. Ah oui, mais quand? Il y a longtemps. Ah. Non. Aussi. Non. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas qui c'est. Richard Anthony, c'est un chanteur des années 80, 70. Et il était comme ça, il n'avait pas de coups. D'accord. Il chantait quoi? Hein? Il chantait quoi? Je sais pas si j'entends siffler le train. Le train sifflera trois fois. Non, si, il y avait un truc avec le train, je crois juste. Ah, regardez, on fait des recherches en direct. Ouais, attention. C'est beau, la technologie. Le site officiel. Je vais regarder sur Wikipédia quand même, c'est pas possible. Mais sinon, tu fais YouTube et tu vois les morceaux des plus écoutés. On comble. Non, Richard Anthony, il n'y avait pas de coup. Voilà, donc je répète. Richard Anthony est mort quand, du coup? Ah. Moi, je sais. Ouais, mais toi, tu triches. Sur Wikipédia, donc. C'est là que tu vas te dire qu'en fait... Je pense pas que ça soit le bon. Alors, il y a Richard Anthony. Mais regarde celui-là, il a un coup. Ouais. Tout le monde. Vous verrez quand. Après, il y a des gens d'anthologie. Après, vous verrez dans mon quiz, il y a des beaux mondes. Il y a du beau monde. On a passé le. Si j'entends siffler le train. Ah voilà. Ah, ben voilà. Et j'entends siffler le train. Pas la rare train. Ça siffle pas pareil. Tu peux, mais. Qu'un wagon à la fois, par contre. Quoique certains essaient de faire rentrer deux wagons. Puis si tu mets la locomotive à l'arrière. C'est une voie de garage. Je me désolidarise de ce podcast. Ceci sera coupé. Vu que je viens de le dire, ça sera pas fait. Donc, tu as vu la date, mais voilà, quand est mort Richard Anthony l'année. C'est plus récent qu'on ne le pense. Ah ouais, moi j'ai l'impression qu'il est mort il y a très longtemps, mais. C'est parce qu'ils étaient vieux, peut-être, c'est pour ça. Je sais pas. Non, en 2005. Il est mort le 19 avril, 2015, à l'âge de 77 ans. 2005 ou 2015? 2015, pardon, 2015. Ah bah j'étais pas sur la bonne fiche Wikipédia alors. Non, il est mort en 1800, c'est pas lui. Non, c'était marqué 2010 d'un concert du colon, donc j'étais pas sur le bon. D'un concert du colon? C'est la locomotive à l'arrière, ça va. C'est drôle parce que c'est drôle. Donc maintenant je vais vous parler de Laurent Fignon. Qui se rappelle qui est Laurent Fignon? Ouais, c'est celui qui a perdu le Tour de France au contre-la-montre à Paris de 3 secondes. De 3 secondes contre je ne sais plus qui d'ailleurs. Il était commentateur après du Tour de France et il est mort d'un cancer. Ah, mais tu sais, oui. Mais, ouais, ils avaient fait un chouette téléfilm sur lui d'ailleurs. J'ai l'impression que ça fait pas très longtemps, mais c'est quand même pas loin de 10 ans, je pense. Hein. Non, oui, quand même. Mais quand même, déjà, ça commence à. Ça va être. À dater. Ouais. Moi j'aurais dit ça peut-être 5 ans grand max. Ouais. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Il est mort en 2011. 2010. Ouais, juste après le Tour. Bon, juste après. C'est, en fait, il est mort juste après avoir fini de commenter le Tour de France, quasiment. Il est mort le 31 août 2010, à l'âge de 50 ans. Ouais, il était pas vieux. Hein. Pas très vieux. Non, chouette téléfilm avec Samuel Le Bihan, d'ailleurs. Qui dit chouette. Non, mais je l'ai vu, il est pas mal. Bon, pour téléfilm, hein. Ça, c'est téléfilm. Hein. Non, mais, non, oui, mais Samuel Le Bihan, quand même. Voilà. Non, maintenant, je vais vous parler de Joseph Mengele. Mais qui se rappelle qui est Joseph Mengele? Je sais pas si c'est ça. Mais si, c'est pas un président russe avec la tache de sang. Joseph Mengele, ça va pas au professeur Poulpe. C'est Gorbatchev, ça. Ouais, rien à voir. Oui. Parce que nous, on a. C'est du vrai respect. Non, en fait, c'était un médecin nazi. Ah. Ah, bah, j'ai peut-être dû entendre ça dans le podcast alors. Voilà. Mais donc, Joseph Mengele faisait des choses assez. Bon, de se rechercher. Des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ah bah. On va dire que l'éthique des médecins, lui, le serment d'hypocrite, c'était pas son truc. Déjà à la base, si t'es nazi. Voilà. Non, si... non, Joseph Mengele était quand même un nazi. Un bon propre nazi. Sur lui. Un bon nazi. Ouais, voilà. Un nazi soft. On n'en fait plus des comme ça. Mais quand est mort Joseph Mengele? 2012. Oh putain, un nazi, il doit être vieux là. Il était caché en Argentine. Bien plus que ça, bien plus que ça, bien plus que ça. 2000. Ah, plus que ça. 90. Ah, plus. 60. Ah, ouais. En 45. Ah. Qui chauffe, qui chauffe. Un peu plus que ça. Parce que vous verrez, en fait, il confirme la vraie légende. C'est ça qui est drôle, c'est pour ça que je l'ai mis. Je sais pas. Il est mort le 7 février 1979, à l'âge de 67 ans. Il s'était caché en... Argentine. Oui, bravo. Non, mais c'est normal, il est toujours parti là-bas. C'est le million. Et sur sa page Wikipédia, vous retrouverez une photo de son permis de conduire. Véridique. Non, c'est tombé dans le droit public. Il va, je sais pas. Non, bah. Mais pas encore. Hein. Bah, de toute façon, si tu veux faire des faux papiers, c'est pas ça que tu vas prendre. Hein. Voilà. Bonjour. Alors, t'es qu'une fois, nous, au boulot, on avait reçu un papier. La personne voulait tester si on mettait les mêmes prix à tout le monde. Goebbels. Le rire a été. Il m'a fallu longtemps pour m'arrêter d'être. Donc, maintenant, je vais vous parler d'un acteur connu, Paul Newman. Mais c'est de la classe américaine. Yeah, Paul Newman. Ouais, mais il est vieux. Et oui, mais ça. Donc, il est. D'après vous, est-ce qu'il est mort ou pas? Et oui. Oui. Et oui. Bah, de toute façon, vu pour l'instant, il y a que des morts. Mais il y a des vivants. Il y a des vivants qui se cachent. Il y en a un, Serge Gainsbourg. Donc, Paul Newman est mort. Il est mort à l'âge de 83 ans. Vivant. Mais oui, il est avec. En non. Argentine aussi. Ouais, tous en Argentine. Michael Jackson, parce qu'il l'Argentine. Il s'est tapé sa fille, du coup, ça l'a permis de. C'est vivant, c'est ça? Ouais. Oh. Et si on passe par le cul, ça cause plus? Vous cramez un point, vous cramez explicite, on va gaucher plusieurs cases explicites parce que les alors, gens... Paul Newman, alors la classe américaine, c'est sorti en quelle année? Mais bon, la classe américaine, c'est un patchwork de films. Ouais, 95. Mais c'est quand même des films des années 80. Ah oui, minimum. Oh, ouais. Même Tableau du Président. Ou même 90. Ouais. Je sais pas, il est mort en 90 du coup, 95. Alors, il est mort... Peu récent quand même. C'est sous 2000, allez, je vous aide. Ah ouais, s'il est pas mort en 90 quoi. Non, plus que ça quand même. Ah ouais Ça date mais pas trop. Mais ça date quand même. Ce qui est bien, mais pas top. Voilà. Le nickel week-end. Personne ne veut... Merde. Ah ça y est. Alors bah, à part te les sortir tous un par un au pif, là, je vois pas. Et non, il est mort en 2008. Ah tiens, j'aurais commencé par 2002. Le 26 septembre, à l'âge de 83 ans tout de même. Pour ça qu'il avait du vécu. C'est raisonnable. Bon, maintenant... Une personne qui est morte à l'âge aussi de 83 ans. Je ne spoil rien parce que vous allez rire. Donc du coup, la classe américaine, 93. Ah, tu vois ah. Je l'avais dit. Donc je vais vous parler de... Il a inventé la carte. Il a inventé le jeu. Il a inventé le City. Il a inventé la carte à jeu. Il a inventé donc, il a inventé la carte. Il a la inventé carte. Le jeu. Oui, sur le lait. Et il a inventé la ville. Et c'est un jeu aussi. C'est un humoriste français excessivement connu. Excessivement respecté, c'est Sim. Ah. La carte Sim, les Sim et Sim City. Ok, vous l'avez. Donc Sim est mort. Sim. Malheureusement, il est mort en 2005. Oh, tu t'approches. Genre 2004, mais. Non. Ou un peu après, 2000, peut-être 2008. Encore un peu. 2009. Oui, 2009. À l'âge lui aussi de 83 ans, t'as dit. Voilà. Il était mais génial ce type. Oui. Vous pouvez voir le. Alors il y a des nanars. Vous allez sur Nanarland, vous verrez. Vous tapez Sim et après, pour qu'il faut le cœur bien attaché parce que c'est des films un petit peu trop. Perso de Sim, je retiens surtout la parodie de Grise qui a fait ah oui. La chemise Grise. Grise. Ouais. Avec Patrick Topalov. Patrick Topalov, exactement. Ouais. Moi je retiens toujours quand il était passé sur une émission de TF1, là, le grand concours. Qui faisait des jeux comme ça. Et non, il était dans la deuxième manche ou je sais pas quoi, et il était tombé sur le thème sport alors qu'il y connaissait rien. Il avait enlevé sa cravate, il avait foutu sa cravate à ah oui, voilà. Ça. Et donc il y avait. Comment s'appelle Carole Rousseau, je crois. Ouais. Qui lui posait les questions. Et lui, il était, mais comme ça sur sa table, il répondait: ta soeur! Ta mère! Qui c'est qui a gagné le 100 mètres? Ta mère! Il répondait que. Mais comme un dingue, et c'était mais à mourir de rire. Quoi. Je sais pas si ça se trouve encore sur. Oh, sur c'est internet. Sur Daily Motion ou sur Ina. Ah ouais, non, mais Ina, c'était, ou pas c'était mythique. Sur YouTube, t'as toute l'humanité aujourd'hui. Ce mec était trop fort, quoi. Un génie de l'humour. Donc maintenant, on va passer. Je vais vous dire un nom, vous allez voir. Jean-Pierre Trébert. Oui, il est mort, lui. Ah oui. Jean-Pierre Trébert. La forêt. La. C'était un monsieur Patrick Lynn. Voilà. C'est un serial killer. Un serial killer. Un quoi? Quoi? Non, merde, j'ai pas le jingle. Donc il est dead. Il est dead. Adieu Yuri. Bon, moi on a foiré. Meurs, pour dire comme liste. Bah oui, si. 5 minutes, on l'a fait celle-là aussi. Hein. De quoi? On a pourri le week-end. Ah, oh putain, non! Attends, samedi. On a pourri le premier épisode déjà, c'est bon? Là, on est pas bien. Non, Jean-Pierre Trébel est décédé, ouais. Mais il est décédé quand? Oh, je ne sais rien, je m'en souviens pas. On rappellera que cette personne s'est enfuie de prison en se cachant dans un. Bunker. Tonneau. Non. Égout. Non. Dans un carton. Oui, Metal Gear Solid 4. Tu veux pas le jingle? C'est moi qui l'ai le jingle. Ah, merde. Je le rajouterai après. Attends, je vais le mettre. Ça va peut-être Tu vas le mettre en toi-même. Hein? Ça va peut-être s'entendre. Ouais, bah, attends. Vas-y, dépêche-toi, Mick. On va combler en attendant un carton de type forcément qui pouvait rentrer un être humain. Parce que bon, un être humain ne peut pas rentrer dans un carton à chaussures. Si, à la rigueur, si on le brûle. Si on le découpe. Si on le découpe. Ouais, mais pas entier du coup. Pas entier. Ah, non. Ou en plusieurs boîtes. Parce que certains, on peut leur mettre la tome, mais ça risque d'être un peu... Ah, oh, tout de suite. Tout ouais, si tu prends du 46, ça passe. Du 46 pour la tome ou... Je comprends pas de quoi on parle. Putain, jingle pas le temps. Ah, c'est bon. Attention. Attends, je vais monter. Jingle en retard, bien sûr. Je sais pas si on l'a entendu. Vas-y, refais. Attends, je vais assigner le volume. Hop. On va le monter un peu. À fond les ballons. C'est l'entendu moche. Ah. C'était très laid. Ah, c'est bon. Voilà, tu feras le montage pour y prendre le bon. Non, c'est bon. Tu as dit qu'il fallait faire du montage, c'est le temps pour arriver. Tu sais, au pire, je le récupère moi-même et je le mettrai. Hein. Ce sera plus simple. Hein. Donc, je mange une chips. Donc, une chips. Donc, quelle année est mort Jean-Pierre Trébert? Déjà, il n'y a pas longtemps. Oh, un peu plus sur ce que tu crois. Mais j'irai dans les années 2000 en tout cas. Un peu plus récent. Ah ouais? Oui. Ah, c'est quand même dans les années 2000. Ouais, du coup, tu peux. Dans les 2010 peut-être. Oh, bravo! Il est mort le 20 février 2010. Un tout pile! C'est le tout pile! C'est la section. C'est la question. C'est la question. Kikin! Alors là, attention les enfants. Il va falloir que je prenne ma respiration pour vous dire le nom de cette personne. Quand est-ce qu'il est mort? C'est ça son nom? Ou pas d'ailleurs. Cette personne qui est Israël Kamaka Wiwoole. Avec dessus pour moi. C'est qui? Ah, il a chanté une chanson très connue au ukulélé. Ah, c'est... merde. Somewhere over the rainbow. La musique de... Magicien d'Oz. Et pas du Magicien d'Oz. Merde. C'est-à-dire que le magicien qui pète. Comment il s'appelait ce... C'est un truc court en plus, son nom d'artiste. Oui, je l'ai pas noté. Ah oui, celui qu'on entendait tout le temps à la radio là. Oui. Quand on a fait, on n'en pouvait plus. Alors que la musique est géniale. C'est dommage. J'ai oublié son nom. Donc est-ce que Israël est mort? Ah, il est mort. Dans les années 2000, je dirais. Ouais, fin 2000, début 2010. Hein. Vous êtes loin, les enfants. Ah ouais? Ah oui. Ah oui, non, mais non, il est mort beaucoup plus vieux que. Il est mort mais si, c'est parce qu'il est sorti après, oui, justement. Il est mort après, mais il est mort il y a très longtemps. C'est le Magicien d'Oz, je sais plus quand est-ce que c'est sorti. Non, mais c'est pas non, mais c'est une reprise. C'est pas la version originale. Ok. Is, voilà. Bah oui. Is. Pour Israël. Oui, Israël. Il a le nom du complot, Israël. CF précédent épisode. Previously. Previously in the. In the. Apéro original. Oh, un cerco avec des gens et des lumières. Je crois que ça parle des ah oui, des Apavlosky. Donc voilà, donc Israël est mort d'après vous. Oui, mais il est mort dans les années 80 en fait, je crois. J'ai à 70. Un peu plus. Non, plus récent. Ah, plus récent. Bah 80. 10. 95. 90. Pas loin. 94. Non. 96. Non. Tu veux y arriver. 93. Non. 97. Oui. À l'âge de 38 ans. Oh, wow. Ça c'est jeune. Maintenant il était un peu. Il était gros. Ouais, il avait une certaine corpulence. Ouais, il était. Qui était très visible. Ouais. Mais après, il était originaire d'Haïti oui, ou de Paris. Je crois. Quand on voit les Haïtiens, ils sont quand même. Ah oui, c'est pas, bah, c'est pas des petits gabarits. Hein. C'est une religion là-bas. Oui, c'est pas des petits gabarits. Hein. Il y en a qui sont comme ça, mais sec. Il y en a qui sont comme ça parce qu'ils font de la muscu. Puis il y en a qui sont comme ça parce que bah ils sont comme ça quoi. Voilà. Donc 38 ans, c'était le 26 juillet 97. Maintenant, je vais vous parler de Horst Tapper. Mais qui est Horst Tapper? Ah, c'est encore un nazi ça. Non. Tout de alors suite. Il est vivant. Quoique, c'est pour ça qu'elle a été déprogrammée. Oui, c'est. Déprogrammé. Derek. Mais oui, c'est Derek. Ah. Mais alors, il est mort. Il est mort. Ah, il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. Ah non. Enfin, c'est dans les années 2000 en fin tout 2000. Cas. Oui, voilà. Enfin, 2007. Ouais, pas. Pas loin. 2008, c'est ça. Le 13 décembre 2008, à l'âge de 85 ans. Là, voilà. Vous voyez qu'il est mort lentement, comme son personnage dans Derek. Il est pas parti en Argentine, celui-là. Aussi, mais non, il a réussi à passer entre les mailles du filet, c'est pas trop con. Après, est-ce que Marc Dutroux, il est mort? Non, il est en prison, il est caché, lui. Et oui, voilà. Il est caché, il est sorti, non, il est sorti de prison. Voilà, très bien. Il a changé de nom. Voilà. Il s'appelle Marc Dutroux. Ça existe. Mais sans le X. Mais on reconnaîtra. Il s'appelle Marc Le But. fallait bien faire quelque chose. Donc maintenant, je vais vous parler d'un. D'un fief. Mais du coup, t'as pas donné sa date de décès à... Mon ami, il était pas mort. Ah, il ouais. y a pas beaucoup de pas morts quand même. Et alors maintenant, je vais vous parler d'un fief comique. C'était un petit canaillou. Ah, petit canaillou. Petit canaillou. Donc forcément, c'est. Des proches. Darry Cole. Ah. Darry Cole. Petit canaillou, le triporteur. Des films d'anthologie. Donc est-ce que Darry Cole est mort? Oui, il est mort. Il est mort, voilà. Il est mort en 2005. Tu es d'une précision presque diabolique, tu es pas loin. Putain. Bon, oui, 2004. Non. 2006. Très bien. Tu t'es niqué le game. Non, mais trop rapide, t'as vu. Darry Cole est mort le 14 février 2006, donc le jour de la Saint-Valentin. Il est mort à l'âge de 80 balais. Que à son âme. Non, mais là, je vais vous parler de Hiroshi Yamauchi. Ah. Alors, qui est Hiroshi Yamauchi? Un empereur japonais. Non. Ah. Non, parce que le dernier empereur japonais, c'est le jour de son anniversaire est un jour férié et c'est le 23 décembre, le jour de mon anniversaire. Voilà. Donc, si j'étais japonais, je n'aurais pas amené des gâteaux au boulot le 23 décembre parce que ce serait un jour férié. Comment niquer le game? Donc, est-ce que Hiroshi Yamauchi est mort et qu'est-ce qu'il faisait d'après vous? C'était un kamikaze. Non. Non, il est parce qu'il est mort bien après la guerre quand même. Un manque à cas. Ah ben, c'est ce que j'allais dire du coup. Est-ce que ça serait pas le monsieur qui a survécu aux deux bombes atomiques? Non. Ah, mais putain. Si vous réfléchissez, vous allez voir qu'il a profondément bouleversé votre jeunesse. Ah. Il a créé. Il a Albator. Pas forcément créé. Non. Il a bouleversé notre jeunesse. Il a vous créé les forcément... Pokémon. Vous avez force. Il y a un produit dans cette pièce qui n'y a pas participé. La bière. Mais vous avez forcément un produit. Le téléphone. Qu'il a produit, que vous avez eu entre les mains dans votre jeunesse. La Game Boy. Très bien. Et vous n'êtes pas loin parce que c'est le président. Un Game Boy. C'est l'ancien président de Nintendo. De Nintendo, voilà. Et est-ce qu'il est mort ou pas? Oh, si c'est l'ancien, oui. Voilà. Même si Iwata est mort bien après, quand même. Alors qu'il est mort plus jeune, techniquement. Mais... Donc voilà, donc il est décédé, voilà. Mais il est décédé quand? 4 ans. Aucune idée. Ah. Oula, t'aimes bien ce jeu. Au début, il faisait des jeux de cartes et des tapis. Non, il y a eu pas mal. Ouais, mais s'il a fait la Game Boy et tout. Ouais. Et là, oui, il a participé à la Game Boy, il a même participé un peu à la Wii. Donc, ah, à la Wii. La Wii, c'est quand même. 2005. Ouais, un peu avant. Donc, sa mort est quand même plus récente parce qu'il a quand même un peu lâché le. The Game. Tellement de choses, il y a des Wii. Donc, je vous laisse réfléchir. La Wii, c'est large. Ils en ont vendu pendant des années et des années. Non, mais c'est 2000 la Wii. À peu près. La Wii, c'est juste après 2000. Enfin, non, c'est, j'étais en... T'enlèves 5 ans, je crois. 2005. Ou peut-être même avant, parce que j'étais au bac. Ouais. Ou non, au BTS. Donc ouais, c'est pas... Donc c'est... Ouais. Bah là, la Wii U est déjà 4 ans, donc tu peux enlever 5 encore. Ouais, ça fait des calculs, ça fait 2004. Non, 2006. 2007. Non, il est quand même mort. Il est mort plus récemment que ça, quand même. Il est mort après que la Wii soit sortie, donc mais voilà. 2011, 2012, 2013, oui. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. On voit qu'Azertov a compris le game. Donc, il est mort le 19 septembre 2013, à l'âge de 85 ans, tout de même. Ce qui est bien. Ça va. Bien, mais pas top. Pour un japonais. Ah, pour un japonais, c'est bien meilleur. Ouais. Voilà. Il a pas mangé assez de sushis et pas bu assez de saké. On rappellera que mais déjà. Il a eu trop de sushis par contre. On a fait des célébrations dans des stades et tout pour lui, parce qu'il avait un petit peu des sous. Donc maintenant, je vais vous parler de Yves Marcheseau. Mais qui est Yves Marcheseau, d'après vous? Un chanteur. C'est le Mime Marceau. Non. Alors, c'est une personnalité connue de la télé. On le voyait souvent sur France 2. Dans une émission. C'est le chien de Michel Drucker. Non. C'était une émission qui revenait tous les étés. Oh. Interville. Donc, qui revient encore tous les étés. Fort Boyard. Très bien. C'est le père Fouras. Non. Ah, c'est la boule. Oui, très bien. Donc, c'est celui qui a été accusé de pédophilie. Ouais. Et... Non, c'est pas vrai. Il était. Hein. Il est mort en 2011, 2012. Oh, non. Tu t'approches. Plus 2013, je dirais. Non. Ah ouais. Vas-y. 2014. Ouais, voilà, 2014. Je pense que ça faisait un peu plus que ça. Il est mort le 29 septembre 2014 à l'âge de 62 ans. Il aimait les filles un petit peu jeunes. Ouais, les soirées dans les boîtes. Ouais, il avait la main un peu baladeuse, on va dire. Et ses ex voulaient mieux pas être son ex parce qu'il avait été accusé de harcèlement où il avait appelé son ex 300 fois dans le mois ou je sais plus combien. T'as un truc bien, toi. Ouais. C'est sympa la facture de téléphone. Ouais. Lui, les choses. Maintenant, c'est illimité. Au mieux être illimité. Alors qu'à l'époque, lui faisait travailler les télécoms. Voilà, monsieur. Les Français. Alors maintenant, je vais vous parler de Boy George. Est-ce que Boy George est mort ou pas? Non. Ah. Je sais pas. Quelqu'un a dit vrai. Il n'est pas mort. Ouais, il n'est pas mort. Ouais, il y a quelques pièges. J'ai pris des acteurs un peu vieux, vous voyez. Boy un George, peu... non, Boy George, c'est quel groupe? C'est un chanteur. Chanteur, pardon. Fais gaffe, parce que s'il y en a un qui clame ce demain, on va t'accuser. Hein. Boy George, c'était quel groupe? Non, chantait pour lui. Il chantait sous son nom. Ouais. Sous son nom. Attends, je vais essayer de trouver des. En attendant, on va combler. Parce que maintenant, Boy George, je crois qu'il est. Il a mal tourné. Il fait mal tourné. Entre guillemets, parce que bon, faut bien vivre de sa vie. Il déménage. Il bougeait les bagages dans un aéroport. Parce que bon, il est dedans. Je crois pas. Hein. De toute façon, ça coûte cher. Donc, du coup, on claque tout son panier de langue. Et puis un jour, on sait qu'on a. Il chantait ça. Ouais. Do you really want to hurt me? Do you really want to hurt me? Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une célébrité célébritante que tout le monde il a connue. Mais que personne n'y s'en souvient. Que personne n'y s'en souvient. Surtout. Alors, est-ce qu'il est vivant ou pas? Alors, je pense que vous allez vite découvrir le pot aux roses. C'est l'abbé Pierre. Oui. Ah, l'abbé Pierre est mort. Il est mort. Oui. 2004 plus 5 plus 6 8. Ah, c'est 8. 8. 9. 8. Vous n'avez pas trouvé encore? 10. Non, vous étiez 7. Voilà. Donc, il est mort pendant l'hiver, lui qui a été connu par l'hiver d'ailleurs, le 22 janvier 2007, à l'âge de 94 ans. Moi. Comme mon arrière-grand-père. Un âge qu'il est bien quand même. Un âge qu'il a fait son âge. Voilà. C'est con ça. C'est à noter que c'est le plus âgé de notre truc. Il nique même les Japonais. Tiens, pense à la gueule le Japonais. Tiens, les Nyakwim. Mais c'est raciste. Non. Donc voilà. Donc l'abbé Pierre, connu, famous, very famous man, with a beret. Et à baguette de pain. Même pas. C'est pas le même tuché. Pas très grand par contre. Mais je crois que je fais la même taille que lui, donc je t'as rien à dire. Hein. Petit mais va partout. On veut pas savoir le reste. Pour les détails, que ce soit la taille de tes pieds ou autre chose. Le problème c'est qu'il y a pas beaucoup de femmes dans le podcast, donc ce message tombera quelque part. Oui mais bon. On sait jamais. Il y a des hommes qui aiment les hommes. Ah quoi? Magnifique. Comme racontait Rammstein, c'est ça que vous voulez dire, monsieur. Non mais là je vais vous parler d'un homme qui a une voiture américaine de couleur rouge. Ah, Starsky. Non. Hutch. Non parce qu'en fait son nom c'est une voiture américaine de couleur rouge. Mustang. Ah. Donc c'est Ferrari. Il s'appelle Robert. De Niro. Robert. Asphalt. Non. Mustang. Mais c'est une voiture de marque américaine de couleur rouge. Corvette. Non. Ah, Ford. Oui, très bien. Et oui, Robert Ford. Robert Redford. Ah oui, attends, merde, vite, pingue le panel, vite, attention. Ah, vous voyez quand même, en plus ça fait durer le temps. ça fait passer le temps. Donc voilà. Ça fait durer le temps, oui. Parfaitement. On sent que les bières montent. Hein. Qui dure. Donc, est-ce que Robert Ford Rouge. Bah non, mais il l'a joué dans Captain America, Winter Soldier. Très bien, ouais. Il n'est pas décédé encore. Bah, c'est le pas encore. Il joue dedans. On le voit deux secondes. Mais non, c'est le chef, du Shield. Ouais. D'accord. On sent quand même qu'il commence à avoir un peu de kilomètres. Bah, en même temps, ouais, tous les acteurs de cet âge-là, quand tu regardes De Niro aussi. Ouais, ils sont moins jeunes que autre chose, tu vois. que vieux, quoi. Ils sont moins jeunes que vieux, ouais. On continue dans la blague, je vais vous parler d'un chanteur qui a un nom de chien. Ah, non, chien. Non. Pékinois. C'était un chanteur qui... Ah, c'était ouais. Il est mort. Okay, c'est, ouais. Mais c'est pas, c'est plus pour la date que je vais vous le... Parce que vous allez voir, vous allez vous faire couillonner, je pense. Et on sent que il avait beaucoup... Quand il était jeune, il en avait beaucoup profité, tu vois. De la bouteille, tout ça. Et là, il a fait Woodstock, d'ailleurs. Mm-hmm. Et il a un nom d'un chien. Rocky. Non. Le nom, pas le prénom. Je tiens, ouais. Roux. Je crois que c'est Rookie. Labrador. Non. Il s'appelle Monsieur Berger. Il s'appelle Joe Satriani. Non. Joe Cocker. Voilà, et il a le regard de Cocker. Ouais. Ouais. Donc Joe Cocker est mort. Il est mort. Oui. Non. Mais il est mort quand même. Ah. J'en ai pas la moindre idée. Parce que Joe Cocker est mort donc. Dans les années 2010. Ça va être récent, non? Oui. C'est quand même plutôt récent. 2013. Non. 12. Non. 14. Oui. Il est mort le 22 décembre 2000. Il a même pas vu la Noël. Il est mort le 22 il décembre. Il avait acheté les cadeaux. Acheté oh les cadeaux. Le con, ouais. C'est l'héritage, le cadeau. Le 22 décembre 2014, à l'âge de 70 ans. Alors maintenant, je vais vous parler d'un personnage. Attention, vous, peut-être vous ne connaîtrez pas. C'est Junette Arkin. Mais qui est Junette Arkin? Tu connais pas? Personne ne connaît Junette Arkin? Je connais Serge Tarkin, mais... Junette Arkin, c'est l'acteur qu'il y a dans Turkish Star Wars. Ah. Vous savez, celui qui saute partout avec ses trampolines et qui il bolosse des furies, là. Donc, est-ce que Junette Arkin est mort ou pas? Sachant que c'est un Turc, donc il est fort comme un Turc. Non. Moi, je dirais non. Non. Vous dites non? Eh non, il n'est pas décédé encore. Ah. Vous voyez, Vignola, le nanar... Ça concerne. Ça concerne. On l'appelle d'ailleurs le Alain Delon turc. Ah oui. Il parle de lui à troisième personne. Ah oui, c'est le Alain Delon, d'accord. Ouais, c'est le Alain Delon turc. Parce qu'il a fait plein de films, pas beaucoup de glorieux quand même. Quelques-uns quand même. Pas lui jeter la pierre, mais. Pierre. Ouais. Donc maintenant, je vais vous parler d'un chanteur muy famous. C'est Ronnie James Dio. Ouh. Alors, est-ce que Ronnie James Dio est mort ou pas? Oui. Oui. Ah! Déjà, vous êtes sur la bonne piste, déjà, voilà. C'est après 2000. Oui. Mais... Déjà. 2005. Non. 6. Non. 7. Non. 8. Non. 9. 10. 11. 12. 10. 2010. Il est mort le 16 mai 2010, à l'âge de 67 ans. C'est qui, parce que je ne connais pas. Il chantait Holy Diver. Il a chanté pour Rainbow, groupe muy famous. Avec Tenacious D aussi, on le voyait. Oui, avec Tenacious D qui sort du poster là. Ouais. Au début du film, si tu l'as vu, mais sinon ils ont fait des clips ensemble aussi. Ouais. Quand il se fait mettre la fessée par son père. Aussi, ouais, c'est ça. C'est t'entends là. Donc on a un chanteur d'anthologie parce qu'il avait une voix de ouf. Ouais, carrément. Ouais. Donc maintenant je vais vous parler d'un ancien président français, Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce qu'il est mort ou pas? Bah non, il est pas mort. Il n'est pas mort. Mais par contre, il vit où? En Argentine. À Destin. Ah mais non. Il vit à Volcania. Ah oui. Évidemment, c'est vrai. Voilà. Le parc qu'il avait lancé lui-même, dont Valéry Giscard d'Estaing n'est pas encore mort, même s'il commence à avoir un âge très canonique. Mais canonique de chez canonique. Hein, il y en a à son âge, ils étaient morts. Ah oui, voilà. Non, je dis que tout ça a été trié dans... A été trié. Non, mais non, je vais vous parler de Alice Cooper. Oui. Bah non. Mais non, il est pas mort. Non. Voilà, il n'est pas mort. Je l'ai vu l'année dernière encore à Hellfest, alors. Mais comme ils sont vieux, ça ne veut rien dire. Je l'aurais su quand même. Comme ils sont vieux et qu'ils se droguent aussi. La drogue conserve. J'essaie de niquer le game. Donc maintenant, je vais vous parler de Sébastien Roche. Mais qui est Sébastien Roche? Sébastien Roche qui jouait Cri d'amour dans Hélène et les garçons. Est-il mort? Oui, il est mort. Oui, il est mort. Il y a pas longtemps, non? Et non. Il est pas mort. C'est pas lui qui est mort. Mort. C'est pour ça que j'avais mis. Je suis c'est allé le chercher. Chien qui est mort, en fait. Je suis allé chercher des gens des c'est années 90 qu'on se rappelle plus. Hein. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est le même syndrome que Bernard Montiel. On l'a vu dans les années 90, puis d'un coup il a disparu des écrans. Et là, de suite, la mort médiatique a été l'allégorie de la vraie mort. Et du coup, c'est toujours des gens qui se disent, putain, est-ce qu'il est mort ou pas ? Claire Chazal, est-ce qu'elle est morte ? Ah non, merde. Bah non, non, non, elle présente des trucs sur français et elle ramasse sa balle. Elle est revenue piquer la place à... À Goumi. Ah merde, je sais plus comment. À Goumard. À Laurent Goumard, c'est. Ah bon ? Oui, ça s'appelle Goumi. Ça m'avait fait rire quand j'ai vu ça. Je demande bien pourquoi. Attention, mais c'est pas très visuel de sortir le Goumi. Mais... Non, mais je vais essayer de ressortir la palette. Vas-y, j'écoute. Même si c'est pas le bon écouteur, c'est pas grave. Laquelle ? Vas-y, on y croit. Attends, mais attends, je cherche. On y croit. On est là, on est bien. On est bien. Non, mais vas-y, continue, j'ai retrouvé après. Alors, maintenant je vais vous parler de Aretha Franklin. Oui. Oui. Dites, toi tu dis oui ? Oui, il me semble qu'elle est là-bas. Oui, je sais pas qui c'est. Alors, Aretha Franklin, ça a été la reine de la soul, pas disco, mais un truc très, très, très à l'époque, toi, un truc très vieux, très années 70. Quoi, très années 70. Donc, quelqu'un dit qu'elle est décédée. Là-bas, pas d'avis ? Le chevelu, je pense aussi. Eh non ! Elle n'est pas décédée. Merde. Okay. Elle vient de fêter son anniversaire, si ma mémoire est bonne. Putain, pourtant, elle est née en 42. Oui, non, non, mais elle commence à voir. Parce que quand même, elle a connu Michael Jackson, tout ça, c'est même elle qui l'a un petit peu. Mis sur les voies. Voilà, c'est ça, mis sur les voies, voilà. Très bien. Ah, moi, je retrouve quoi, pas, hein. Comme ça. Ouais, mais quand même, elle a un âge quand même. Je l'ai. Les Il faut en avoir deux, c'est quand tu es de belles Dickman, quoi, en fait. Et puis, si t'en as deux grosses, c'est mieux qu'une petite. Toujours. Non, non. Non, maintenant je vais vous parler de Luciano Pavarotti. Ah, oui. Oui. Oui, mais il n'y a pas excessivement longtemps. Tu dis pas longtemps ? Oui, d'accord. Je dirais 2000. Fin 2000. Ah ouais, ça se rapproche. Non, c'est bon. 2009. Non. 2010. Non. 2008. Non. 2010. Non. 2010. Non. 2009. Non. 2010. Non. Moins ou plus que 2010. Oui. Alors, oui, donc c'est bien ça. 2005. Non. 4. Non. 3. Non. 2. C'est plus. 6. C'est 7. 8. Il est mort le 6 septembre 2007 à l'âge de 71 ans, tout de même. Pour quelqu'un qui avait une si belle crinière. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler de William Shatner. Qui est William Shatner ? Si, mais il est mort. Il a fait Captain Kirk. Il a fait Captain Kirk et il a fait Hooker. Oui, bien sûr. La série où les courses poursuites n'étaient jamais accélérées. Ah, alors c'est pas Bay City, c'est. Si, je oui. Sais plus le nom de la ville. Oui, oui, oui, oui. C'est un truc comme ça, ouais, City. C'est vrai. On le verra peut-être tout à l'heure. Non, est-ce que cette personne est décédée ou pas ? Oui. Tu dis oui ? Ou alors je me trompe avec un, mais il me semble. Il me semble pas qu'il soit mort. Non, il n'est pas mort en fait. Ah merde. Tu te trompes avec l'ami, avec celui qui jouait Spock. Oui, ouais, donc Leonard Nimoy. Exactement. C'est pour ça que je l'ai pris, c'était pas fait au hasard. Le hasard fait bien les choses. Ouais. Donc, maintenant, on a fini avec le, avec tes bords. Le hasard. Donc maintenant, voilà, ils vont se suivre parce qu'il y a une espèce d'ordre logique. Vous allez voir, c'est très drôle. Donc maintenant, je vais vous parler de Bernard Blier. Qui est Bernard Blier ? Et mais c'est. Ça me dit quelque chose, mais. C'est un réalisateur Je crois que tu as niqué le game en fait, je crois déjà, mais c'est pas grave. Non, en fait, c'est un acteur ça. Ouais. Voilà, c'est un acteur, mais qui est très connu parce qu'il est joué. Vous savez, c'est cet acteur un peu qui est chauve, un peu dégarni, et qui a joué dans du Tonton Flingue, des films Joyeux avec. Anniversaire de Raoul. C'est ça. Donc, c'est lui, voilà. Et bon, je vous imaginez qu'il est décédé. Hein. Oui, oui. Il y a quelques temps qu'on l'a pas vu, hein, vous imaginez. Donc, quand est-il décédé ? Je sais pas. C'est normal, personne n'était né. Ah ouais ? Oui, il est mort en 89. Oh. Le 29 mars, à l'âge de 73 ans. Oui, ça date. Et maintenant, je vais vous parler de Bertrand Blier. Attention, c'est son frère. Non, mais t'as déjà vu ça ? En pleine paix. Il chante et puis craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec ! Voilà, bravo. C'était lui. C'est ça. Il faut rendre hommage à ces gens-là, quand même. Il le mérite. Non, mais là, c'est Bertrand Blier. Mais qui est Bertrand Blier ? C'est son frère, non ? Tu as... C'est sa sœur. C'est comme les sœurs Wachowski. Ben, les frères et sœurs. Non, en fait, tu n'es pas loin, mais c'est son... Cousin. Non. Mon cousin. Non, et c'est son... Frère. Non. Sœur. Fils. Non, oui. Ah. Non, est-ce qu'il est mort ou pas ? Ah, fils son fils. Ah, oui, peut-être, oui. Eh non. Hein? C'est quand même le réalisateur des Valseuses. Mmh. Très bon film avec Miu Miu, avec Patrick Devers, comme on a devant nous, Devers. Et Gérard Depardieu quand il était maigre. Donc ça prouve que ça date. Ah oui. Parce que ça fait longtemps qu'il est plus maigre. Avant qu'il joue Obélix. Non, maintenant, voilà, c'est ça. Non, maintenant, on va niquer le game. Je vais, vous allez voir qu'il y a une suite logique. Donc je vais vous parler de Johnny Ramone. Mais qui est Johnny Ramone? C'est le guitariste d'un groupe. Attention. Des Ramones. Très bien. Bravo. Est-ce qu'il est bon ou pas? C'était compliqué. C'était compliqué, oui. Très bien. Quand? Oups. 95. Au moins. Non. Au moins 16. Non. 17. Bon, je sais pas si c'est une erreur. Je suis peut-être mal classé, mais c'est pas grave. Non, il est mort en 2004. Hein? Non, 2004, à l'âge de... Bah, c'est ce que je viens de dire. T'es 2004? Ah, j'ai compté. Oui, 2004. 2004, à l'âge de 55 ans. Maintenant, je vais vous parler de Joey Ramone. Ah. Le chanteur. Des Ramones. Des Ramones, c'est très bizarre. Des Romanesques. Est-ce qu'il est mort ou pas? Oui. Ah, bien. En 2005? Non. Ah, merde. 2003? Non. 2004? Non. 2007? C'était que la pub. Ah. Il y avait quoi? Non, mais je croyais que c'était le let's play sur Dreaming machin. Ah. Donc il est mort en 2000 et il est... Voilà. En 2000? Bon, c'était le chanteur. En 2000 ou 1000? Non. Ah! Tu es proche? 2001. 2001, bravo! Ouais. À l'âge de 49 ans. Je sais pas si c'est en l'ordre, je sais pas si j'ai tout bien vérifié, mais c'est pas grave. Mais là, c'est un nombre de décès ou... Maintenant je vais vous parler de Didi Ramone, qui était le bassiste. Quand est-ce qu'il est mort? En fait, c'est une famille, les Ramones. Ah non, non, non, en fait, tous des noms différents, en fait. C'était les noms de scène. Donc, quand est-ce qu'il est mort Didi Ramones, qui était donc le bassiste? Un peu avant? Non. Un peu après. Voilà. C'était soit l'un soit l'autre. Hein. Alors, de toute façon, un suicide organisé. Je sais pas. 2002. Deux. Encore? 2002. Juste après quoi? Ouais, le 5 juin 2002, à l'âge de 50 ans tout pile. Bon ben. Donc tout pile. Il fait un tout pile. Et maintenant je vais vous parler de Tommy Montoya. Lui il est pas mort. Qui était le batteur. Alors est-il mort ou pas? Non. Bah, lui non. Perdu. Il est décédé. Merde. C'était le premier. Ouais. En 90. Et non. C'était le dernier. Dernier. Ouais. En 2003. Non, et non, il y en a un qui est mort en 2004. Donc lui il est mort en 2005. Et non, lui c'est lui qui a niqué le game. 2005. Et non, il a reniqué encore plus de game que ça. 2006. 2004. Non, bien plus que ça les enfants. 2014. Oui, très bien. Le 11 juillet 2014, à l'âge de 65 ans. Et maintenant, bon, pour finir, petite blague, bien évidemment, il faut toujours un truc drôle. Est-ce qu'il est mort ou pas, Sean Bean? ça dépend. Sean Bean. Mais Sean Bean. C'est celui qui joue Boromir. C'est... Ah. Ça, ouais, ça dépend dans quoi, en fait. Alors, oui, il est mort dans plusieurs films, mais c'est pas lui qui a la palme du le plus de morts dans les films. Equilibrium, ah oui, il meurt. Il est numéro 3. Ah ouais. Il y a un faux sourire de film consacré à Sean Bean, ouais. Putain. Moi qui ai passé nickel le game. Il y a un mec qui est mort genre deux ou trois fois plus que lui dans des films. Ah, quand même. Celui qui fait le cri de William, non? Il est mort très souvent, lui. Bizarrement, il a jamais la même tête. Oh, Charles Dance. Donc voilà, j'ai fini avec Sean Bean n'est pas mort. Avec mon quiz de qualité très supérieure. Comme vous l'avez attesté, il y avait de l'intelligence et du quiz. Donc, l'humanité s'en sort grandi. Voilà. Complètement. Exactement. Toujours. Donc voilà, je retourne ma feuille pour le quiz qui arrivera dans 3 mois. Quoi, tu fais deux quiz quoi? Non, non, ouais. C'est un dossier après. Un dossier, c'est vrai. Et je drop le mic. Drop the mic. Et on va passer le mic à Azertov qui va nous diffuser la chanson qui la Kansou. Ouais. Pour clôturer cette temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Bah du coup, moi j'ai choisi un groupe qui s'appelle The Inspector Clouseau. Oh, très bizarre. The Run. Ils habitent où? À Mont-de-Marsan. Ils habitent à Mont-de-Marsan. Ils viennent de sortir du coup leur 5 ou 6e album qui s'appelle Rock Farmer. On peut même pas parler des dates de concert parce qu'on les aura loupées au moment de sortir ce podcast. Ouais, mais ils sont en plein tournée, donc de toute façon, après, ils tournent aussi bien au Japon qu'en Amérique latine, ouais. Donc ils tournent assez... Et tu en avais parlé d'eux déjà, je sais plus où. Je sais plus. Ou c'était quelqu'un qui en avait parlé, je ne sais plus. Non, du coup, bah, c'est The Run. Donc, c'est une petite musique qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc du coup, bah, à la prochaine. À la prochaine, les amis. Au revoir. First day of the run, let the game begin. Show me how to stand the cold sun and the bright sun. Second day coming on, let me take your hands. You will understand the cold sun and the bright sun. Flowers and again. So you say goodbye to you, my friend. Adi Shad's my friend.